Ici, ça s'appelle le CIRA, Centre international de recherche sur l'anarchisme. Ça existe à Marseille depuis 1965. Hein. C'est même pas être né à l'époque. Donc il y a eu plusieurs cours ici depuis pas une dizaine d'années. Et donc c'est un local qui nous appartient. Donc on est à l'abri. Seul problème, c'est Marseille, donc infiltration d'eau. Peut-être un jour ça va s'effondrer, j'espère pas cet après-midi. Sur nos gueules, bien que la collapsologie, hein, ça, tout ça, il va nous parler de trucs un peu qui remuent. Donc Renaud Garcia, il est membre du CIRA, mais il est surtout auteur et il participe à une revue que vous connaissez peut-être, ça s'appelle Réfraction. Alors Réfraction, on a peut-être des numéros en vente, ça c'est le dernier numéro paru. L'avant-dernier. Ou l'avant, oui. Et après, il a écrit quelques bouquins sur la critique, le désert de la critique, le sens des limites contre l'abstraction. Alors, il est philosophe, hein, c'est pour ça les titres. Et après, quand il parle, on comprend tout. Hein, vous ne vous inquiétez pas. Hein. Pierre Kropotkine et l'économie par l'entraide, et Léon Tolstoï. Alors aujourd'hui, on va parler de ce bouquin, la collapsologie. Donc c'est un terme que, si vous avez entendu parler, vous êtes un peu curieux. Et donc on va tout savoir sur la collapsologie. Et Renaud, je veux dire de plus, et oui, il enseigne la philo dans un lycée de Marseille, pour gagner sa croûte. Et puis entre temps, il écrit. À toi la parole. Déjà merci d'être venu. Je vais essayer de parler en allant à l'essentiel, d'être le plus bref possible. Il y a quand même une discussion relativement conséquente après, même si on est tenu. Donc ce livre, il est sorti toute fin octobre. Après, nous étions bouclés pour une deuxième session, donc c'est assez plaisir de pouvoir le défendre et en parler. Alors il porte sur un terme qui paraît assez lourd, la collapsologie. Alors je définis tout de suite, la collapsologie, c'est donc logos, c'est une étude, science du collapse, de l'anglais, collapse, effondrement. Alors en réalité au départ c'est une boutade, c'est une provocation peu langagière qui a été mise en œuvre par deux chercheurs, un qui est ingénieur agronome et un autre qui est très précisément expert en résilience des systèmes qui s'appelle donc le premier Pablo Sarri, le deuxième Raphaël Stevens, dans un livre qui est paru en 2015 qui s'appelait aux éditions du Seuil, une grosse maison, qui s'appelait Comment tout peut s'effondrer et qui essayer de recoupements de diverses sources, analyses, études, tableaux, etc., graphiques, scientifiques, essayer de montrer comment les sociétés dans lesquelles nous vivons, en Occident, en fait, cette ombre s'est étendue à la planète entière, c'est-à-dire les sociétés, leur vocabulaire c'est thermo-industriel, sont prises dans des verrouillages, si vous voulez, c'est-à-dire une logique dont on ne peut pas sortir, qui nous mène dans le mur, que ce soit au plan écologique, au plan économique ou social. Donc la collapsologie se présente comme l'étude des effondrements passés, présents et futurs, et des façons de s'y préparer. Donc ce qui au départ, en 2015, est une boutade, un premier livre lancé, devient en quelques années une véritable mode intellectuel, en tout cas un discours qui semble s'incarner dans la vie de nombreuses personnes, qui est porté vraiment comme une nouvelle manière d'envisager l'écologie politique, c'est-à-dire de sortir de ce qu'on appelle l'environnementalisme, la protection de l'environnement, ou ce qu'on appelle aussi cet oxymore, vous savez, le développement durable. La collapsologie a cherché, de l'aveu même de ses promoteurs, en ne niant pas que les nouvelles à apporter sont de mauvaises nouvelles et que l'avenir vers lequel nous dirigeons est assez sombre, ils ont cherché à mettre en évidence une approche un peu plus tranchante de l'écologie. Alors depuis, ben, c'est généralisé tout un vocabulaire également avec la collapsologie, plusieurs livres qui sont parus au Seuil. Donc c'est une grosse maison qui pousse évidemment ses auteurs et donc qui a beaucoup de surface médiatique. Donc dans le monde de l'écologie, déjà pour avoir un champ un peu restreint, on a des mots tels que le terrestre, devenir terrestre, la résilience, la transition, et sur le plan moral, des conduites à encourager comme la bienveillance ou l'empathie, qui se sont vraiment généralisées, de même que le terme effondrement, auquel on peut accoler tous les fantasmes. Bon, alors très précisément, si vous voulez, on pourrait revenir à effondrement, ça fait référence à des travaux qui étaient antérieurs par des scientifiques américains, enfin anglo-saxons en tout cas. Mais maintenant, l'effondrement, c'est devenu assez répandu comme idée. Alors on y accole aussi plein de fantasmes, qui d'ailleurs ne concordent pas forcément avec ce que disent les auteurs qui prétendent faire de la collapsologie. Le plus gros fantasme, vous savez, c'est le fantasme millénariste, hein, de l'Apocalypse, bon, en fait, qui signifie pas vraiment ça d'ailleurs, c'est pas une béance dans laquelle on s'enfonce, l'Apocalypse, mais au contraire, dans le sens biblique, c'est la révélation, donc c'est plutôt le renversement. Bref, alors dans cette expansion, il y a des canaux médiatiques qui sont importants. Il faut quand même en parler, puisque là j'ai fait une étude évidemment sur les idées avec un arrière-plan philosophique, mais aussi une enquête en appliquant la question rituelle dans les milieux critiques, qui parle et d'où il parle. Et bien, alors ça peut être assez intimidant comme manière de faire, pas toujours exercé à propos, mais parfois si on le conduit avec mesure, ça peut être intéressant de voir qui parle, d'où on parle. Et donc, dans ces relais médiatiques, il y a un journal. Alors mon parti pris, c'est que ce journal ment, hein, c'est-à-dire que je mens quotidiennement, le journal Le Monde, qui a pris part assez fortement à la diffusion de la collapsologie, qui va de pair ces derniers temps avec une réflexion dans Le Monde, qu'on voit apparaître, sur l'écologie politique, tout autour de ce qui se passe actuellement avec les maires, les mairies qui sont passées au vert. Donc ça, ce sera intéressant, puisqu'on voit que, par exemple, il y a certains maîtres à penser, ou auteurs ou références particulièrement cités par les collapsologues, c'est-à-dire ceux qui s'intéressent à cette étude de l'effondrement, quelques-uns de leurs maîtres à penser sont aussi des sources d'inspiration pour certains maires. Je pense à Éric Piolle, notamment le maire de Grenoble, en relation avec un penseur français qui est apparemment le penseur le plus lu au monde actuellement, qui s'appelle Bruno Latour. Bon, j'y reviendrai peut-être, ou si vous voulez, dans la discussion. Alors, inflation médiatique, mais aussi, parce que bon, on ne parle que de discours, là, mais aussi des faits. Alors, il y a des faits que l'on voit se passer de plus en plus, c'est par exemple ces ingénieurs qui, tout frais diplômés, renoncent à leur diplôme et ils commencent à tout plaquer parce que ils sentent qu'ils vont être les agents d'un effondrement plus poussé et ils refusent effectivement d'y ajouter quelque chose avec leur savoir, avec leur maîtrise technique, et donc ils décident de changer, de tout plaquer. Et ils ont un discours, effectivement, qui est assez imprégné de ces idées de la collapsologie. Bon. Donc, il y a quand même une effervescence autour de ce thème-là. Je laisse de côté tout ce qui se développe en termes d'action et de pratiques même rebelles. Je pourrais revenir un petit peu après. Ce qu'on peut dire pour la période dans laquelle nous sommes, je ne vais évidemment pas vous faire un roman sur ce qui se passe depuis le mois de mars dernier. Simplement vous rappeler cette phrase de Yves Cochet, qui est un des bons représentants de la collapsologie en France, qui est un ancien ministre donc, de Lionel Jospin. Mars 2020, Yves Cochet déclare, alors que le confinement vient d'être décrété, hein, « Avec les copains, on s'est appelé et on s'est dit « ça allait plus vite que prévu ». Bon. Donc ça y est, c'est parti, la prophétie, notre prophétie est en train de se réaliser. Qu'en pensez ? Est-ce qu'il y a une lucidité extrême de la part de Cochet ? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la jouissance presque perverse ? Bon, je laisse ça de côté. Simplement, on veut dire que le temps actuel est aussi à la réflexion sur la collapsologie. Pour la simple et bonne raison que ses promoteurs eux-mêmes considèrent que ce qu'ils annonçaient est en train d'arriver. Bon. Alors, Cochet, comment il définit, lui, l'effondrement ? Puisque là, on en parle, mais c'est très vague. Je vous donne une définition très, très simple que lui, il met en évidence. Ce serait le processus, dit-il, au terme duquel les besoins de base d'une société, approvisionnement en eau, en nourriture, les soins, l'éducation, les transports, ces besoins de base ne sont plus assurés par des services encadrés par la loi. Alors de fait, ben, il y a au moins, ça c'est certain, des pans qui sont en train de se déliter, songeons aux hôpitaux, songeons moi, si je songe à ce qui se passait du côté de mon lycée, côté de la Rose, ben, à un certain moment, au printemps, le lycée s'était transformé en plateforme pour faire circuler la nourriture pour les maraudes, pour aller alimenter les quartiers aux alentours. Donc qu'il y ait des pans de la société industrielle qui se délitent, c'est assez certain. Qu'on entre dans l'effondrement tel que les collapsologues l'envisagent, c'est-à-dire une sorte de jeu de dominos, vous voyez, qui commence à se renverser, c'est autre chose, et c'est le propos du livre, la collapsologie ou l'écologie mutilée, c'est-à-dire que mon propos, ce n'est pas de décrier les constats des collapsologues, ce n'est pas de décrier que nous soyons sur une trajectoire d'effondrement, c'est plutôt de montrer que, en abordant ce devenir-là comme ils le font, en fait, ils se font les agents d'une sorte de dilution de ce qu'il y avait de plus tranchant dans la pensée écologique. Et en réalité, ils participent à une sorte d'écume comme ça médiatique, spectaculaire, qui permet, d'une certaine façon, au système industriel de retomber sur ses pattes et de prolonger un petit peu son aventure. Donc, en ce sens-là, je dirais, pour vous donner quelques exemples de la lecture du livre, là, je n'aurai pas le temps d'entrer vraiment dans les détails, donc je situe juste le propos généralement. Il peut se distinguer au moins de deux lectures, puisque, à l'évidence, le phénomène est très médiatisé, ses auteurs sont très médiatisés, on en parle beaucoup dans les journaux généralistes, la radio, etc. Il est évident qu'à un moment, la riposte s'effectue, et donc il y a tout autant une floraison de livres qui cherchent à critiquer ces mouvements-là. Je vous donnerai deux critiques, orienté de deux manières différentes pour vous situer un petit peu mon propos à moi. Donc la première, pour ceux qui connaissent le CIRA, ça ne les étonnera pas. Et pour les autres, je vous conseille d'aller regarder quand même. C'est la critique de Philippe Pelletier, universitaire, donc professeur des universités, géographe. Il écrit très souvent dans le Monde libertaire. C'est un spécialiste de Élysée Reclus, le géographe et anarchiste du 19e siècle. Alors, la perspective de Pelletier dans ses livres, j'avoue à ma grande honte que je n'ai pas lu son dernier livre, j'ai lu l'avant-dernier qui s'appelait Climat et capitalisme vert, et le dernier là s'appelle Effondrement et capitalisme. Donc, vous voyez, vous vous situez l'idée. Non, il y en a encore un autre. Anarchie écologique qui vient de paraître ce mois-ci. Ça va trop vite pour moi. Je suis trop. Donc, l'idée de Pelletier, il est assez pointu dans les recherches qu'il fait. Il mène ses enquêtes en allant... quand il est dans les perspectives d'enquête, il les mène jusqu'à un certain point. Donc, lui, son idée, c'est de montrer que, par exemple, les documents et les études sur lesquelles s'appuient des gens comme les collapsologues, qui datent du début des années 70, 1972, le fameux rapport du club de Rome, la nécessité de mettre halte à la croissance, Pelletier, ce qu'il va faire, c'est qu'il va décortiquer le profil biographique des membres du club de Rome, et il n'a pas de mal à démontrer que ce sont pour l'essentiel des industriels et des technocrates, puisque le fondateur du club de Rome, notamment Aurelio Pecci, italien, est un industriel qui avait une haute responsabilité à la Fiat. Donc, Pelletier, là, entre dans ce terrain-là. Et donc, pour lui, tous ces mouvements-là sont finalement repris, récupérés, et servent au verdissement du capitalisme. Ce qu'il essaye de faire, et là, moi, je ne le fais pas tout simplement parce que je n'ai pas les capacités, c'est que lui, comme il est géographe, il essaye d'entrer aussi sur le terrain des constats. Dérèglement climatique, plutôt lui, il analyse le réchauffement climatique, il essaye de montrer que c'est pas forcément une vérité à l'échelle du temps long. Bon, alors là, c'est un aspect plus discutable, peut-être, mais en tout cas, son point de vue de géographe lui permet d'aller travailler sur ces questions-là. Par contre, et c'est là que je me distingue totalement de lui, et que je pense qu'on aurait vraiment une vraie discussion, c'est que un de ses autres passe-temps, c'est d'établir les liens qui existent, ou qui existeraient, entre... Alors, ils existent pour une certaine part, mais ils existeraient pour une autre part, parce qu'en fait, à partir de certaines données, à mon avis, ils fantasment sur une structure globale de l'écologie. Donc il s'agit pour lui des liens qui existent entre l'écologie politique, l'extrême droite, et donc les mouvements en fait, fascistes, hein, autour de l'idée de la sacralisation de la nature. D'accord ? Sacralisation de la nature, qui peut très vite dériver à la sacralisation de la force brute, et donc d'un ordre hiérarchique. Je rappelle, si vous voulez avoir un autre son de cloche par rapport à ce que j'ai fait dans le livre, qu'un spécialiste en marxiste de l'écologie, enfin c'est un trotskiste belge qui s'appelle Daniel Tanureau, il a fait une lecture de la collapsologie, notamment des derniers ouvrages de Pablo Servigne, sous cet aspect-là, en disant que finalement, toutes les formes morales, éthiques, de reprise en main de soi-même à l'ère de l'effondrement, relevaient de la régression archaïque. Dans mon Tanureau, lui, il est allé là, de ce côté-là. C'est pas étonnant, de mon point de vue, puisque, pour simplifier, Tanureau, ce serait l'alliance du rouge et du vert. Voilà. Donc il y a quand même une finalité progressiste qui lui fait considérer dans toute réflexion écologique, même au sens moral, une potentielle dérive vers l'extrême droite. Donc Pelletier, voilà un petit peu ce qu'il dit, et moi je m'en distingue, donc notamment sur le dernier point. Bon, une deuxième critique qui est sortie, enfin, je vais aussi jouer du contraste pour essayer de vous montrer un peu comment j'envisageais les choses ici, c'est la critique des Larrère. Catherine Larrère et Raphaël Larrère. Catherine Larrère, philosophe normalienne, spécialiste en France de la philosophie de l'environnement, et son mari Raphaël Larrère, ingénieur agronome. Catherine Larrère, qui, elle, dans les années 60, était parmi les fondateurs de l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes. Donc avec des gens comme Benny Lévy, Robert Linhart, etc. Alors il y a un livre qui vient de sortir, de Larrère, qui a été pas mal relayé dans les grands médias aussi, qui s'appelle « Le pire n'est pas certain ». Là, ils attaquent, eux, leur angle d'attaque, c'est de dire que la collapsologie agite le spectre de l'impuissance politique. C'est l'idée qu'on envisage assez facilement. Puisque tout va s'effondrer, le système court à sa perte de lui-même, alors il nous est échu de ne rien faire, on n'a plus rien à faire, on va laisser les choses aller à volo. Donc ce serait un piège politique pour eux. Et en fait, ils vont même jusqu'à dire qu'être partisan de l'effondrement, c'est en quelque sorte faire un chantage au climato-scepticisme. C'est-à-dire que les partisans de l'effondrement diraient « Ah oui, mais alors... vous ne partagez pas nos constats, vous ne pensez pas que le pire est certain, donc ça veut dire que vous êtes sceptique quant, par exemple, au dérèglement climatique. » Et ce qu'ils leur reprochent aussi, c'est de croire en la fin du monde, c'est de restaurer une perspective religieuse. Bon. Alors là, de la même manière, moi, mon ouvrage, il est vraiment critique, mais pas du tout dans cette perspective-là. Alors, parce que tout simplement, pour voir sur le terrain, ce que produisent les partisans de l'effondrement, il ne semble pas qu'ils sont pris dans l'inaction politique. Regardez par exemple, c'est là que je reviens à ce que j'avais annoncé au début, regardez par exemple un mouvement comme Extinction Rébellion. Bon. Vous pouvez en penser ce que vous voulez en termes d'organisation, d'efficacité, etc. Il n'en demeure pas moins que c'est un mouvement qui est délibérément tourné vers l'action et qui... Alors, on définit l'action de diverses manières. Ça peut être ce qu'on appelle le happening, bon, on peut discuter de la pertinence de tout ça. Mais on ne peut pas dire que c'est simplement, comme le reproche les Larrère, faire des choses de son côté, dans des attitudes privées, hein, je ne sais pas moi, faire son jardin potager, trier ses déchets, faire du zéro déchet. Extinction Rébellion, ils ont la prétention, en tout cas, une sorte de prétention radicale. Aller quand même un petit peu plus loin que tout ça. De la même manière, ce qu'on appelle les villes en transition, les jardins en permaculture, bon, on ne peut pas dire que c'est simplement des activités privées et purement individualistes. Donc, je ne pense pas non plus que les collapsologues soient simplement, fassent simplement l'apologie d'attitudes privées. Et s'ils dépolitisent l'écologie, c'est pas comme ça pour moi, c'est pas de cette manière-là. Voilà. Alors, en fait, mon propos, globalement, c'est de dire qu'il y a, si vous voulez, il y a un héritage de l'écologie. Cet héritage, en fait, il est même fort lointain. Ce sont évidemment les deux siècles d'industrialisation, de décollage industriel. Mais... même avant, vous avez des gens qui pensent d'une certaine façon qui est opposée à ce qui va se mettre en place. Une des références, j'y reviendrai juste à la fin, parce qu'en préparant le topo, là, je me suis rendu compte de certaines choses qui viennent de sortir. Une des références, par exemple, ce serait Jean-Jacques Rousseau, d'une certaine façon. Certains textes, en tout cas, de Jean-Jacques Rousseau, un auteur d'Idées-Lumières. Donc il paraît que, si j'ai bien compris, quand on fait l'apologie des Lumières, on est contre les Amish. Hein, c'est, il semble que c'est à peu près le dispositif, en tout cas dans l'esprit de Macron. Ben Rousseau, c'est un philosophe des Lumières, anti-Lumières, en quelque sorte. Donc vous avez plein de textes dans lesquels il voit ce qui va se mettre en place sous la dignité. Avec le progrès, et dans lesquels, les textes dans lesquels il est radicalement critique de tout ça. Donc je veux dire, l'écologie, la réflexion de type écologique, évidemment, dire l'écologie, là, c'est un anachronisme, c'est pour ça que j'aurais un autre terme à proposer, moi. On y reviendra peut-être à la fin. Mais ça vient de fort loin. Et donc mon idée, c'est que les collapsologues, en fait, ils arrivent, ils développent une stratégie en fait médiatique, un plan média, et ils dilapident un héritage. C'est pour ça que c'est typique de ce qui se passe dans le spectacle. Et en fait, ceux qui tiennent pour une écologie radicale, c'est-à-dire qui prend comme comme cible la transformation industrielle du monde poussée à l'extrême. Cela, en fait, il reste toujours en arrière, parce qu'on leur dit, en fait, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Et arrive un moment où on n'en est plus là. Et où le discours, on va dire, dominant, qui est, par exemple, porté dans les médias, commence à reprendre ce que disaient les prétendus extrémistes d'il y a 5 ou 10 ans. Sauf que là, évidemment, ça va de plus en plus vite. Oui. Je vous donne un exemple de ça. Dans le chapitre... dans le chapitre 2, mon chapitre 2 s'appelle « Capitalisme industriel et dévoration ». Voilà. Et donc j'essaie de montrer que la collapsologie, notamment la critique de Servigne, voit le capitalisme essentiellement comme une société, comme ils le disent, hypertrophiée en compétition. C'est simplement... elle est compétitive, donc il y a une critique qui est d'ordre moral. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il réutilise la notion d'entraide, en l'empruntant à Kropotkin, justement. Donc une source libertaire, vous voyez. Mais à mon avis, en la vidant de son contenu. Bon. Et donc j'oppose à ça une compréhension vraiment de ce que c'est que le capitalisme industriel et en fait ce que c'est que la dynamique d'accumulation du capital. C'est-à-dire que, pour être simple, dans le fonctionnement de l'accumulation du capital, il faut que ce que vous avez mis, les 100 euros que vous avez mis au début de la semaine, ça fasse 150 euros à la fin de la semaine, et que les 150 euros que vous mettrez la semaine d'après, à la fin de la semaine, ça fasse 200, et ainsi de suite. Ça veut dire que c'est une logique qui est potentiellement aveugle. À certains moments, Marx dans le Capital parle justement de l'accumulation du capital, il ne parle jamais de capitalisme, vous ne trouvez pas le mot en capital. Il parle du capital, il parle parfois du sujet automate. Automate, automaton, c'est la machine. Donc c'est vraiment une machine qui dévore. Et donc j'ai une image, l'image d'une société qui est emprise au capitalisme industriel, qui est autophage. Et donc, je parle de la logique autophage du capital, en revenant à un mythe, alors c'est un vieux mythe, qui est dans les Métamorphoses d'Ovide, qui est le mythe d'Érysichthon. Érysichthon, c'était le fils du roi c'est un fils d'un roi de Thessalie qui s'appelait Triopas. Et Érysichthon, il était désireux de se faire construire un palais. En fait, il a sacrifié un temple, le temple de Cérès, la déesse des moissons. Il s'en prend ensuite à un chêne immense. Les nymphes protectrices des forêts viennent et elles se rassemblent autour de ce lieu sacré. Et lui, il veut le détruire pour faire son palais. Mais la logique de Érysichthon, c'est qu'en fait, chaque fois qu'il rencontre un obstacle, il détruit et il est atteint par une faim inextinguible. Il ne peut pas se retenir de dévorer et à la fin, il se dévore lui-même. Bon. Donc, moi, je parle de ça. C'est sorti le 24 octobre. En préparant le topo, je découvre que Pablo Servigne et Raphaël Stevens viennent de publier en novembre un tome qui est en fait un ouvrage collectif qui s'appelle « Aux origines de la catastrophe ». C'est-à-dire qu'ils essayent maintenant de revenir aux origines de la catastrophe. Donc il y a 25 auteurs, philosophes, économistes, etc., écrivains, par exemple Alain Damasio, bon, qui parlent chacun d'une entrée pour revenir aux causes prochaines, plus lointaines, très très lointaines, et dans la très très longue évolution. J'ai écouté ça, j'ai juste écouté une émission sur RFI, et je suis tombé donc, sur une inflexion, pour moi qui travaille dessus, c'est assez intéressant, vous allez me dire que je délire peut-être, mais Pablo Servigne dit sur RFI, entretien, sur ce livre, « Notre société techno-industrielle est devenue autophage. Elle est en train de se manger elle-même. Le mot, l'expression, la manière de penser n'est dans aucun de ses bouquins avant. » Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Pablo Servigne, si vous voyez dans le numéro de réfraction, on a fait appel à lui, on a échangé avec lui pour travailler sur ce numéro, parce qu'il est passé en fait par la revue Réfraction, la revue Libertaire Réfraction, dans ses premières années, En fait, il sait ce qu'on fait, il nous lit, il prend des choses, et il rectifie son discours et il ajuste. Voilà. Donc là, ça se durcit un peu. Avant, on parlait de la société compétitive. Maintenant, on va commencer à parler de logique autophage du capital, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il y a deux branches. Il y a une écologie donc, qui est en fait ce que moi j'appelle l'écologie qui ne serait pas mutilée, pleine et entière, qui en fait est inaudible. Hein. Et vous avez par contre une écologie qui a l'avantage pour elle d'être audible, voilà, et qui simplement va se réajuster à chaque fois. Alors là, ça va très très vite, mais ça peut être, par exemple, tous les 5 ans. Donc quand on en sera là dans 5 ans, Servine réajustera son discours, et ainsi de suite. D'accord ? C'est de la même manière, si vous lisez le Monde, vous le voyez assez souvent. Je vous signalerai aussi quelque chose juste à la fin de l'intervention. Bon. Donc, voilà, mon propos, c'est vraiment sur la mémoire et l'oubli d'un héritage. Dans cet héritage, il y a quelques anarchistes aussi. Donc, notamment Reclus, il y a Kropotkin, etc. Alors, quels sont un petit peu les thèmes que j'aborde? Donc, il y a 6 chapitres. Pourquoi est-ce que je dis qu'il dilapide cet héritage? Si vous voulez, on pourra rentrer après dans le débat, comme vous le souhaitez. Mais... Dans un premier chapitre, je montre en fait... les collapsologues ont tendance à s'enfermer dans le présent, c'est-à-dire qu'ils épousent une tendance très forte historiquement, c'est l'enfermement dans le présent. Il y a un mot qui a été inventé par un historien, Hartog, c'est ça, qui s'appelle le présentisme. C'est-à-dire qu'on a une incapacité à penser l'avenir, et ils ne le pensent effectivement que sous la forme d'une béance, quoi. Donc c'est ça qui est assez intéressant, avec une insistance, quand on prend un petit peu quand on va sur le terrain, quand on discute avec des gens, avec des collapsologues de tous âges, avec toujours cette idée qu'on va être les premiers concernés. C'est-à-dire que maintenant, la vague la plus difficile en termes économiques, sociaux, humains, nous sommes les premiers concernés, c'est notre génération qui doit porter le message de la collapsologie. Donc c'est intéressant parce qu'il y a parfois des disputes entre militants pour savoir qui va être le premier concerné. Toi, tu as 70 ans, mais moi j'ai 50 ans, donc c'est moi le premier concerné. Vous êtes en quelque sorte gavé pendant des années. C'est vous qui nous avez laissé les choses dans l'état dans lequel elles sont. Donc c'est nous qui sommes les sacrifiés. Mais évidemment, ceux qui ont 30 ans le sont en plein, etc. Donc il y a un enfermement dans le présent qui empêche de penser évidemment l'avenir et qui ne permet aucun recul sur le passé. Donc moi je mobilise très souvent la science-fiction, j'utilise beaucoup la science-fiction parce qu'elle a une vertu de décalage. Et donc par exemple si on regarde à l'époque du Club de Rome dans les années 70, il y a des auteurs qui font en quelque sorte de l'anticipation, de la prospective, mais ils n'ont pas grand-chose à faire de plus que pousser un petit peu plus loin les tendances de leur époque. Et ils le font avec une capacité, avec une complétude qui est vraiment remarquable, qui n'a rien à voir avec une approche technocratique comme celle du Club de Rome. Donc, par exemple, moi, dans mon panthéon de l'écologie, il y a des gens comme Philippe K. Dick ou John Brunner. Voilà, c'est des gens que tout le monde lisait, tous les jeunes lisaient dans les années 60-70. Maintenant, plus personne ne les lit. Il faut faire des efforts, plus pour Brunner, parce qu'il a une notoriété grâce au cinéma aussi, mais il faut faire des efforts pour aller les chercher. Quand vous lisez ce qu'il produisait, sous une forme d'ailleurs littéraire, ça allait bien plus loin que l'approche positiviste par les chiffres, simplement les faits que Club de Rome. Donc, il faut aussi avoir une capacité à remettre les choses dans le temps long et à trouver ce recul historique. Donc c'est ça que je critique dans le premier point, l'enfermement dans le présent. Le deuxième point, j'en ai un petit peu parlé, c'est l'aveuglement sur la logique de dévoration du propre système industriel. Ce qui semble, vous voyez, commencer à être un peu corrigé dans le volume qui vraiment vient de sortir. Dans le troisième chapitre, je critique notamment à travers les ouvrages de Yves Cochet l'impératif d'adaptation qui est propre au discours de la collapsologie, puisque Cochet, alors c'est assez caricatural, mais ça permet aussi d'entrer dans les problèmes. Il a fait une datation précise, tel un Cassandre, des phases par lesquelles on allait passer. Donc, effondrement, on manque ensuite de s'entretuer, et ensuite on prend conscience par mimétisme que si l'on est bienveillant envers les autres, ils ont plus tendance à l'être envers nous, et comme ça la société repart un petit peu comme des jeunes pousses, avant une période de relatif équilibre, mais débarrassé des machines qui de toute façon ne tourneront plus. Donc par exemple, on recommencera à avoir des dépassements en calèche, des choses comme ça, mais pour 2050, 60, etc. Mais pour le moment, on va en passer par quasiment un scénario à la Mad Max. Alors, j'essaie de travailler un petit peu sur ça, parce que ça paraît assez impressionnant comme ça, mais en fait, c'est simplement une manière de reprendre les vieilles recettes de la philosophie libérale, et notamment de ce philosophe anglo-saxon, Hobbes, hein, qui avait fait la théorie de l'état de nature, dans laquelle il disait que finalement, la vie humaine livrée à ses propres pulsion de domination et de pouvoir serait une vie solitaire, animale et brève. Et donc j'essaye de mettre en évidence le constat que fait Cochet, qui se rattache à ça, et les espoirs qui sont complètement disproportionnés, qu'il place dans une sorte de révolution, un basculement, après l'effondrement, par la grâce de l'entraide, des jardins en permaculture, etc. J'essaie de me dire comment est-ce que l'entraide pourrait naître sur un terreau qui est le terreau de la socialité. Non pas de la socialité, mais du fait d'être réduit à une condition asociale. Ça, c'est dans le troisième chapitre. Et dans le quatrième chapitre, j'aborde quelques grands concepts et grands penseurs de la vague collapsologique. C'est-à-dire que quand même des mots-clés qui se répandent. Je vous ai parlé de la Terre, du terrestre. On pourrait parler également de la comparaison de la planète avec Gaïa. Donc c'est une belle idée, évidemment, qui nous renvoie à Hésiode, mais ça nous renvoie aussi à un penseur qui s'appelle Lovelock. Je ne vais pas plus loin là-dessus, mais si vous voulez voir un petit peu à quoi ressemble Gaïa chez James Lovelock, je vous conseille d'y aller. Lovelock, donc cybernéticien, nucléariste, qui considère que dans le futur proche, les intelligences artificielles auront pris le pouvoir et nous réduiront à l'état d'animaux de compagnie heureux. Sur Gaïa. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était pas son point de vue au début. Quand il a écrit La revanche de Gaïa, c'est pas... Alors, ça qui... Ouais, alors sur le dernier... Voilà. Ouais, oui. Mais en fait, si on prend... dès le début, il y a quand même cette idée que la Terre, en réalité, c'est toujours la perspective, c'est ce qu'on appelle un système en équilibre, homéostatique. Et si vous voulez, c'est comme un four. Quoi. Vous avez un thermostat, ça s'autorégule. Mais la Terre, c'est un peu pareil avec tout ce qui est à la surface de la Terre. Il y a évidemment non seulement règne animal, enfin végétal, animal et humain, mais aussi le climat, les gaz, les composants chimiques, et puis aussi les créatures, enfin fabriquées, nos fabrications. Tout ce qui n'est pas né, ce qui est fabriqué, c'est-à-dire les machines. Donc, voilà comment on pense ce Lovelock. Et ce que j'essaie de montrer, c'est qu'en fait, cette écologie, c'est une écologie qui est technologiste, qui se fondent en fait sur le progrès technologique et l'innovation technologique. Et ce n'est pas un hasard si c'est ce que vous retrouvez dans ligne éditoriale dans Le Monde. Dans tous les articles du Monde, quand ils parlent des verts, ils parlent des maires verts. Et les maires verts actuellement, c'est des maires technologistes. C'est-à-dire qu'ils ont la 5G, ils sont tous pour. Bon. Donc j'essaye de développer un petit peu ça. Et alors, mes deux derniers chapitres, ils portent un peu sur la dimension morale. C'est ce qui leur a été beaucoup reproché. Moi, je n'insiste pas nécessairement là-dessus, mais je travaille simplement sur cet étrange amalgame entre rationalité et irrationalité. C'est-à-dire que, au plan moral, pour faire face à la dureté des constats, les collapsologues ont tendance à verser dans une forme de compassion globale avec la totalité, mais d'une manière qui est en fait totalement procédurale, c'est-à-dire qu'il faudrait se former à retrouver des connexions avec la nature, faire des stages où on se retrouve en tant que notre partie féminine profonde, notre partie masculine profonde, etc., voire des stages dits de nouveaux guerriers, où on s'expose dans la nature à des circonstances très très rudes pour éprouver notre résistance physique. Bon. Donc j'essaye de montrer qu'en réalité, là, il y a rationalité et irrationalité s'alimentent l'une l'autre. Voilà. Et perdent évidemment quelque chose qui est pour moi une vertu importante, c'est la vertu de la mesure, la vertu grecque de la mesure. Et le dernier point parle du désespoir et de l'espérance. Puisqu'en fait, l'un des grands ressorts de la collapsologie, c'est de dire qu'ils ne nous rivent pas au désespoir, mais qu'au contraire, la capacité à encaisser les mauvaises nouvelles nous met en mouvement. Par un travail psychologique de deuil de nos conditions de vie et une ouverture à de nouvelles manières d'être. Alors, j'essaye de retravailler ce motif, mais évidemment avec des références qui, moi, me semblent importantes dans le champ de l'écologie que je défends. Je ne vais pas rentrer là-dedans trop en détail. Une de ces références, par exemple, c'est Jacques Ellul, qui lui se disait d'ailleurs anarchiste, et qui avait une dimension protestante dans son discours, et qui est un penseur qui a pas mal pensé le rôle de l'espérance et de l'engagement existentiel contre l'intolérable. Et l'intolérable, c'est quoi? C'est tout ce qui est de l'ordre de la puissance, c'est-à-dire des moyens. D'accord? Quand on parle des moyens, parce que je vous ai dit tout à l'heure sur Servigne, c'est exactement ça, quoi. Donc là, il y a une écologie qui a des moyens. Donc il y a les moyens médiatiques d'avancer. Et nous, en fait, quand je dis nous, ceux qui critiquent le système industriel, nous, en fait, par définition, on refuse les moyens. Donc on est dans une contradiction qui est... dont on ne peut pas se dépêtrer, en fait. Mais voyez ce que disait Ellul, par exemple. Après, l'idée, c'est d'essayer de voir de manière assez subtile jusqu'où ça accompagne la collapsologie et à partir de quel moment ça bifurque. Il disait, il faut agir avec la lucidité humainement désespérée, au sens où effectivement, ça va pas bien, quoi, actuellement, mais rempli de l'espérance, comme si Dieu n'était pas, comme si tout dépendait de nous, et rien ni personne ne peut le faire à notre place. Donc, j'ai d'autant moins de mal, en plus, à citer Ellul que moi, je me suis... Je ne suis pas croyant. Ce n'est pas problématique. Bon. Alors, qui développe ça? Qui développe cet agir? Je finis là-dessus. C'est cette écologie que je défends. J'aurais un nom qui n'est pas simplement négatif. En négatif, on aurait l'anti-industrialisme. Je parlais plutôt de naturiens, de naturistes radicaux. Et les naturiens, il faut savoir aussi que c'était des anarchistes, pour une bonne part, des libertaires, à la Belle Époque, qui ont essayé d'effectuer un retour, c'est l'équivalent dans les années 60-70 d'un retour à la Terre, qui ont essayé de simplifier au maximum leur manière de vivre, et c'était des gens qui étaient opposés totalement à la puissance. Par exemple, c'était des gens qui étaient horrifiés du développement de l'automobile, quoi. Et de l'humiliation que subissaient simplement les piétons, par le fait de vivre dans un monde qui commençait à être hyper industrialisé, au moment même, ce qui est très intéressant, où les futuristes italiens à la même époque, eux, ils poussent l'industrie. Ils disent, il faut défendre les voitures. Il y a des sociétés de défense des machines. La machine, en italien, c'est la voiture aussi. Donc, il faut défendre ça à fond et y aller au maximum. Au moment où les communistes, Bogdanov, par exemple, en URSS, en 1920, l'Étoile Rouge, etc., Trotsky aussi, ils veulent aller de plus en plus vers le progrès industriel et créer même déjà un transhumain, un humain plus qu'humain. Les naturiens à l'époque, ils font sécession d'avec ça, et donc ils font sécession d'avec la pulsion industrielle. Détruire vraiment la nature, détruire le milieu et le réartificialiser complètement. Donc, c'est cette écologie, moi, que je développerai. Et donc, il y a quelques précurseurs. Alors, ce qui est très intéressant, je vous ai dit que je vous parlerai du monde pour terminer, et d'une chose aussi par laquelle je finirai, c'est deux illustrations très factuelles. Le Monde, le 20 décembre 2020, que dit Le Monde ? Il y a un article, « Comment le christianisme influence l'écologie politique ?» Donc, vous voyez, quand on commence à vouloir faire des associations avec l'écologie politique, il y a du religieux derrière. Donc, s'il y a du religieux, un truc de droite. Cet article cite un des inspirateurs, apparemment, des maires écolo-cato, donc Éric Piolle, Pierre Urmic à Bordeaux. Un de ses auteurs, ce serait Bernard Charbonneau, et il est décrit dans l'article comme un théologien protestant. Alors, Bernard Charbonneau, qui est donc un agnostique, qui était un ami de Hélu, qui lui savait en termes de théologie protestante. Il a quand même écrit dans des revues protestantes. Ah ouais. Il était catholique. Enfin, sa famille était catholique. Sa famille était catholique. Lui, complètement agnostique, et en plus, c'était le meilleur ami de Hélu. Et il y avait un point sur lequel ils étaient en complet désaccord et où se sont fait du bourre-pif toute leur vie, c'était la religion, la croyance. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on nous dit dans Le Monde ? Ben, on nous dit que Bernard Charbonneau est un théologien protestant qui a largement influé sur des mères cathos. On va nous dire bientôt que Jacques Ellul, effectivement, a beaucoup influencé Noël Mamère, par exemple. Ce prétexte que Noël Mamère a suivi quelques cours de Ellul, voilà. Alors que Noël Mamère, par exemple, a fait le contraire de ce qu'a fait, de ce que préconisait Ellul. Donc, si vous voulez, cette écologie-là, elle est présente dans les médias, vous l'avez aussi avec la collapsologie. Une dernière chose que j'ai trouvée en préparant le topo, dans Aux origines de la catastrophe, dont je viens de vous parler, et donc il y a plusieurs entrées. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment des gens comme Servigne aussi, ils montrent que l'effondrement, c'est aussi l'effondrement des systèmes de pensée. Et donc, ils en viennent aussi à reprendre à leur compte certaines idées qui sont très en vogue dans le milieu, on va dire, de critique radicale, radicaliste, quoi. C'est cette idée que la pensée blanche occidentale mâle doit être déconstruite. C'est ce que j'abordais moi dans le livre sur la déconstruction, le désert de la critique. Et donc je suis tombé sur l'intervention d'un des auteurs qui participe au collectif, qui s'appelle Malcolm Ferdinand, qui en 2019 a écrit un ouvrage qui s'appelle « Pour une écologie décoloniale ». Alors, la dimension décoloniale, c'est l'idée que l'écologie, en fait, qui est née, selon lui, dans les années 60, après, une grande contestation de l'ordre dominant européen, à peu près en même temps que les mouvements de décolonisation, c'est l'idée que ces deux branches se sont complètement séparées. Il faudrait maintenant arriver à les recouper, en décentrant le regard, en essayant de se rendre compte de ce que l'écologie a toujours été, en fait, une écologie blanche, patriarcale, exercée par des mâles. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est que Malcolm Ferdinand cite notamment deux auteurs. Henri-David Thoreau et Jean-Jacques Rousseau. Et il nous dit notamment, alors ici, Walden ou les rêveries, enfin, Walden d'un côté, les rêveries du promeneur solitaire de l'autre, il nous dit, vraiment verbatim, hein, les deux, ce sont des hommes de classe aisée, blancs et asociaux, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont dans la forêt, au contact de la nature, ils n'ont aucun rapport avec d'autres hommes, ils n'ont au mieux qu'une éco-sociabilité, je cite, avec des non-humains. Voilà. Et ce sont ces hommes-là qui fondent, selon lui, l'écologie, donc l'écologie en serait tributaire, dans des sociétés, dit-il, post-coloniales ou post-esclavagistes, ou parfois coloniales et esclavagistes. Bon, alors, si vous voulez, moi je veux bien être inaudible, je comprends pourquoi je suis inaudible, non. Je suis allé chercher Walden, donc la date c'est 1854. Il ne me semble pas qu'en 1854 aux États-Unis soit spécialement dans une société post-esclavagiste. Bon. Et je suis tombé, enfin, j'ai relu mon Thoreau, quoi. Et je regarde en 1859, Thoreau fait l'apologie d'un certain John Brown. Qui était John Brown? John Brown, c'est un calviniste qui décide de monter une petite armée. Il tue 5 colons esclavagistes et il essaye de fomenter une révolte des Noirs américains dans les Appalaches, en 1859. Et Thoreau, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un plaidoyer en faveur de John Brown. Thoreau, qui est réputé être un libertaire pacifiste, non-violent, etc. Thoreau soutient John Brown en 1859. Bon. Apparemment, on n'a pas les mêmes lectures avec Malcolm Ferdinand. Premier point. Deuxième point, les rêveries, Rousseau, etc. Rousseau, un homme d'une classe aisée, blanc, asocial, qui vit dans une société apparemment coloniale et esclavagiste, ou peut-être post-coloniale, post-esclavagiste, on ne sait pas trop. Bon, donc Rousseau, c'est un agent de la domination blanche, et je vois très bien, dans Aux origines de la catastrophe, que Pablo Servigne a envie d'actualiser son discours. Voilà. Bon. Alors je terminerai juste avec un petit passage, je suis allé voir dans les notes du discours sur l'origine et les fondements d'inégalité parmi les hommes. Je vous cite un passage court, et je m'arrête là-dessus, j'ai déjà trop parlé, on pourra discuter. Donc là, c'est pour Rousseau, penseur d'une écologie blanche. Je cite donc. « Ne verra-t-on jamais renaître ces temps heureux où les peuples ne se mêlaient point de philosopher, mais où les Platons, les Thalès et les Pythagores, épris d'un ardent désir de savoir, entreprenaient les plus grands voyages uniquement pour s'instruire et aller au loin secouer le joug des préjugés nationaux, apprendre à connaître les hommes par leur conformité et par leurs différences, et acquérir ces connaissances universelles qui ne sont point celles d'un siècle ou d'un pays exclusivement, mais qui étant de tous les temps et de tous les lieux, sont pour ainsi dire la science commune des sages. » Voilà. Si tous les occidentaux blancs dominants sont comme Rousseau, je viens. Voilà. Question, vas-y. Tu ne veux pas parler de la tour? Ouais, mais alors, on peut parler, mais il est... Bruno Latour, c'est ça? Oui. Après, il faut... Il y a toujours deux niveaux. Il faut connaître après les textes précisément, mais après, c'est des gens qui sont assez... qui peuvent être assez vus aussi, ou assez connus par certains magazines, je pense... des magazines assez grand public, par exemple Philosophie Magazine, des choses comme ça. Vous pouvez voir un peu. Bon. Oui, alors moi j'en parle pas mal de la tour parce que c'est. Il a fait un petit livre qui s'appelle Où atterrir, qui est assez intéressant parce qu'il se demande comment arriver à contrôler la trajectoire actuelle, une dégradation de notre habitation terrestre. Et donc, il travaille effectivement sur le motif. Donc, il faut atterrir, mais il ne faut pas atterrir sur le mode du repli sur soi. Il ne faut pas atterrir d'une façon qui est réactionnaire, qui réactive le besoin de racines. Donc, il faut être à la fois, faut atterrir de manière une sorte cosmopolite. Quoi. Ça, on peut l'accepter. Quoi. Mais le problème, c'est ce qui met derrière l'épithète réactionnaire. Et en fait, en travaillant un petit peu sur la tour, je me suis rendu compte que là aussi, c'est à la fois un écologiste, il prétend innerver l'écologie, mais c'est quelqu'un qui est à la fois un féru de la technologie, qui dit en fait qu'il faut qu'on aime nos monstres, et que ce qu'on a fabriqué, ça fait partie, c'est à la surface de la Terre, et ça fait partie de ce qu'il appelle lui Gaïa, donc il reprend le même motif que Lovelock. En fait, il faut apprendre évidemment à vivre avec. Et je me suis rendu compte aussi en travaillant que c'était quelqu'un qui était très proche des jésuites. Alors il y a tout un travail que je fais dans le livre sur la manière dont le catholicisme conçoit le fait d'être terrestre, d'être incarné dans le monde, et sur la manière dont d'autres penseurs, par exemple, moi je me sens plus proche, Ellul ou Charbonneau, même s'il était agnostique, pensent la manière d'être terrestre. Et c'est pas du tout la même chose. Pour être très simple et schématique, dans un cas, la tour, c'est l'esprit qui infuse la matière. D'accord ? Donc, c'est un peu à la manière d'une spiritualisation de la matière. Alors que les autres, c'est au contraire l'idée qu'il y a une union vécue et charnelle de l'esprit et du corps, et que tout ce qui porte offense à cette union vécue, c'est-à-dire tout ce qui réduit en fait la dimension sensible de l'être humain, doit être combattu pour ce qu'il veut. Voilà. Et donc ça, je trouve ça intéressant parce que avec la tour, vous avez nécessairement une entrée vers une écologie qui est totalement adaptée au monde actuel et qui ne remet pas en question le fait technologique, hein, qui me semble, pour ma part, le front principal. Je ne dis pas que c'est le seul front de comprendre le monde actuel, je dis que c'est le front principal. Ça signifie simplement que quand il y a une modification fondamentale sur ce front-là, des conséquences en cascade en découlent sur tous les autres pans de l'existence. D'accord ? Donc, et des gens comme Latour, dans mon idée, l'idée que je m'en fais, c'est que c'est quelqu'un qui sert à l'acceptation. En fait. Donc, c'est, oui. Merci beaucoup pour votre proposition. Je voudrais vous poser une question sur ce que vous proposez justement concernant ce front technologique. Oui. Sur votre proposition à vous, bien sûr. Oui, oui. Le front technologique, alors, à l'échelle individuelle, moi, c'est des attitudes qui sont en fait des attitudes très simples de refus, quoi. L'attitude fondamentale auquel on se rattache, c'est, vous savez, ce sort de légende, ce mythe-là de Ned Ludd, ce personnage mythique, là, qui aurait été le l'instigateur des briseurs de machines. Alors, il ne brisait pas les machines, les ouvriers, en 1811-1812, en Angleterre. Il ne les brisait pas pour simplement sauvegarder leur emploi, il les brisait parce qu'il pensait qu'il y avait toute une manière d'être au monde, ce que c'est faire la main, quoi qu'elle est, largement menacée. Donc, déjà, ce qu'on peut proposer, déjà, c'est de le faire par soustraction. En fait. Alors, pourquoi ? Moi, mon idée est très simple, c'est qu'on est dans le bain, et dans le bain, on est mouillé. Donc, ça, je l'ai écrit sur un ordinateur, ok ? Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut agir par soustraction ? C'est-à-dire faire l'inventaire de ce que le progrès technologique nous apporte, que nous allons considérer comme réellement indispensable, qui va augmenter, permettre, pas augmenter, mais déployer la richesse de nos facultés, ou est-ce qu'on estime qu'il y a un moment où il y a une limite qu'il faut tracer, qui est très claire, ou ça on va le refuser. Voilà. Donc c'est agir par soustraction. Et ça peut se faire au cas par cas, sur plein d'objets, de procédés techniques, usuels, qui se développent actuellement. Donc, sur le mode de déplacement, sur la nourriture, sur la manière d'avoir accès à l'information, sur la communication. Donc ça, c'est par soustraction. Et ensuite, ça se référerait un peu à Illich. Tout à fait, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Vous seriez d'accord avec le mot décroissance ? Alors, oui, la décroissance, oui, sauf que, alors, à ceci près, ça peut être la décroissance un peu trop peut-être centrée justement sur l'économie, mais sinon la perspective peut passer ça. Ensuite, maintenant, comment être... Le problème, c'est qu'on me dit, vous êtes tout le temps défensif, vous êtes jamais offensif. Voilà. Alors, de mon point de vue, le vrai problème, c'est un problème fondamental, c'est pour ça que moi je termine le livre là-dessus, et c'est là évidemment qu'on devient très très minoritaire, c'est le problème de la puissance. C'est-à-dire que l'organisation va impliquer d'une certaine manière la puissance, quoi qu'il arrive, puisque de même le mot, qui sont couple mot, orgue, hein, organisme, organisation, c'est travail derrière, et c'est mise en œuvre d'un ensemble d'énergie. Quoi. Donc, être dans une organisation, c'est aller dans le jeu du pouvoir. Voilà. Et le problème, c'est que au niveau, on va dire, métaphysique, à mon avis, la question du pouvoir et de la recherche de puissance, elle est fondamentale dans notre civilisation. Voilà. Donc, c'est pour ça que mon idée, c'est plutôt cultiver la non-puissance. Alors vous allez me dire, ça n'a aucun effet, aucune efficacité. Le problème, c'est que l'efficacité, c'est le problème. La recherche d'efficacité. Pour moi, c'est absolument pas la même chose, pouvoir et puissance. Puissance, c'est quelque chose qui est d'un ordre beaucoup plus organique, dans le sens physique. Et on a tous une puissance. Oui, d'accord, oui. Voilà. D'accord, pouvoir, c'est quelque chose de l'ordre de l'organisation politique. Oui. Voilà. D'accord. Donc c'est pour ça, ça me fait un peu bizarre d'entendre les deux termes qui sont ensemble, quoi. D'accord. L'entendre des pouvoirs. Tout à l'heure, tu parlais d'adaptation. Oui. Et en fait, bon, moi. Merci d'avoir fait le résumé de tous ces penseurs qui publient dans le monde. Mais j'ai l'impression qu'un gros fil à travers toute la collapsologie, c'est quand même penser cet effondrement d'une manière où, s'il y a une résolution de ces problèmes un jour, ce sera fait dans le cadre des institutions, dans le cadre du maintien de l'État. Et donc c'est absolument pas... c'est absolument jamais pensé comme une perspective émancipatrice. Quelle adaptation c'est ? Est-ce que c'est accepter d'autant plus de crises pour maintenir ces institutions ? Ou est-ce qu'il n'y a pas une perspective anarchiste à désirer est-ce que l'effondrement est désirable qui est discuté dans ces textes-là ? Non, dans ces textes-là. Dans les dimensions les plus grand public, même aux États-Unis, je me suis intéressé à quelques auteurs américains aussi. On a rarement ça, quoi. Rarement cette idée. Il faut aller vraiment chez des gens que je connais qui sont proches de l'accès tout ça. Mais sinon, mon cocher, lui, il essaye de travailler la question de l'État. Ça, vous le trouvez. Alors, ça s'appelle Devant l'effondrement. C'est un livre qu'on trouve facilement. Lui, il dit qu'il n'y aura plus d'État tel qu'on le connaît, puisque c'est sa définition de l'effondrement. Les services de base ne fonctionnent plus dans un cadre défini par la loi. Et donc, il pense qu'il y aura un État minimal qui va repartir. Mais si on prend par exemple Servigne, par exemple, lui, il peut tout à fait imaginer que il y a une forme de fédéralisme, par exemple, qui reparte au niveau de. Qui est une organisation bio, à partir de régions, biorégionales. Alors ça rejoint des idées qu'on connaît un peu ici. Quoi. Mais donc ils sont toujours à penser éviter l'effondrement ou est-ce qu'ils. Bah, c'est ça qui est. Est-ce qu'ils l'embrassent jamais vraiment c'est comme quelque ça. Chose de désirable c'est ça. Ah non. Ok. Non. À moins que. Mais ça, c'est une appréciation totalement relative. À moins qu'il y ait quelque chose de ça dans l'expression du cocher, là. Quand il dit, ah ben, ça allait plus vite que prévu. Mais sinon, je ne vois pas écrit vraiment thématisé. Quoi. Les partisans d'écologie profonde, ils sont pour. Enfin, ça les arrange, non qu'il y a un effondrement, quoi. Je sais pas, en plus je sais même pas trop de quoi parler ouais, d'écologie profonde. Parce qu'on a beaucoup d'épithètes, mais. Deep Green Resistance, ils sont un peu dans ce genre de délire-là, mais d'un autre côté, vu qu'ils recréent des organisations autoritaires derrière, c'est pas plus je désirable que l'État. Vous connaissez peut-être Deep Green Resistance C'est une. Des gens qui viennent de l'anarchisme ont recréé une organisation assez hiérarchique pour une idéalisation de la nature. Enfin, c'est dans les choses dont tu parlais tout à l'heure où il y a vraiment une. Oui, c'est des Américains. Un essentialisme de la nature et donc l'humain passe derrière et ces gens-là se considèrent comme des agents d'une défense absolue de la nature, mais en recréant finalement une organisation politique derrière qui est. Assez autoritaire. Si vous pensez à Gilliam, ça peut faire penser à ce que vous voyez dans l'armée des Douze Singes un petit peu. Bon. Mais avec effectivement des manuels, ils y sont ici. En France, c'est traduit, il y a une chose qui s'appelle le partage. Voilà, c'est un. C'est, oui, c'est les éditions libres. Partage, oui. Ils publient aussi ça. Alors il y a effectivement des sortes de manuels, là, c'est pratiquement des manuels. D'autodéfense, quoi. Alors, eux, oui. Pablo Servi n'hésite pas à citer hein, certains textes. Donc, c'est pour ça que c'est une pensée qui peut être. C'est difficile aussi de faire un travail philosophique qui soit rigoureux, parce que c'est une pensée qui est fuyante. On fait faire un peu de tout bois, c'est assez diffus, comme manière. Vandela, Renaud, merci pour tout ton travail là, dans ce niveau-là. Il a beaucoup aimé aussi le sens de la mesure. Alors, là où je suis un peu embêté, c'est que en même temps, j'ai pu le lire et puis l'apporter parce qu'on a envie de bosser dessus. C'est ça qui est important, il me semble qu'on s'en sert. C'est que l'annonce de l'écologie mutilée, qui est le sous-titre du livre, moi ça m'a motivé beaucoup parce que j'avais l'impression que tu allais exposer ce que c'était que l'écologie pour laquelle tu étais et que tu allais montrer les points d'achoppement entre les deux. Mais je ne l'ai pas beaucoup retrouvé ça. Je trouve que souvent tu annonces les auteurs pour lesquels tu es et je trouve que tu développais moins. D'accord. Par exemple, dans le sens de la mesure. Alors là, pourquoi ça m'a plus nourri. Alors pourquoi j'invite tout le monde à lire les deux aussi pour voir ces choses-là. Donc du point de vue de l'écologie, quelle était l'écologie que tu prenais qui était mutilée. En plus, comme tu es un très bon connaisseur, un penseur de la technique, j'avais envie de voir comment tu les faisais fonctionner, quel argument, tu vois, Illich allait faire intervenir là-dessus. Après, il me semble que transformer Servigne en penseur de la technique, ça ne marche pas, parce que ce n'est pas ça qu'il est. Oui. Et en plus, on passe vite sur le fait qu'on dit on ne va pas parler des chiffres, mais lui, il part de là. Alors, si on n'en parle pas du tout, parce qu'on pense que c'est trop technique, qu'on n'y arrivera pas, etc., on se prive de. C'est pour l'intervention de la personne avant qui disait finalement est-ce que ce n'est pas désiré. C'est vraiment renverser la pensée, là, puisque lui, il ne désire pas, et justement, il se met à penser à autre chose, parce que les chiffres l'amènent à ça. Il me semblerait aussi que peut-être qu'on aurait une autre réunion aujourd'hui si on commençait par les chiffres. Et alors, je ne veux pas les fétichiser, les chiffres, parce que c'est peut-être aussi, justement, un point aveugle, un point de sidération, ça nous sidère tellement, ça nous empêcherait de penser peut-être aussi, et c'est peut-être pour ça que tu refuses ça. Mais dans les biographies dont on parle, les gens qui se mettent à étudier ça, c'est quand ils ont rencontré ces chiffres-là, ensuite quelque chose se met en branle chez eux. Et après, c'est maladroit quand il passe de la collapsologie à ce qu'il appelle la collapsozoophie. On sent bien que c'est pas un philosophe, il bricole, etc. C'est pour ça que je me demande si c'est plus intéressant de lui rentrer dedans comme ça. Et que j'ai toujours peur que quand on caricature son ennemi, après on est moins bon sur lui, tu veux, enfin tu vois, parce que c'est vrai que les stages, etc. Mais quand tu cites Starhawk en même temps, tu vois les stages de collapsosophie qui coûtent 235 euros quand tu dis dans le bouquin, etc. Et on fait de la psychologie comportementaliste, c'est vrai que c'est scandaleux, mais il me semble que c'est tellement évident et que je pense que Starhawk c'est pas ça. Tu vois, c'est ou c'est pas que ça. Et je trouve qu'en tirant plus bas, tu vois, là-dessus, bon, c'est comme si on avait besoin d'aller Mais c'est vrai que ça existe, l'écologie profonde, etc. Après, est-ce que c'est les principaux problèmes, etc. Je me demande aussi, mais c'est sûrement un problème. Deuxième chose, la collapsologie se présente comme une écologie, mutilée peut-être, mais politique. Je me suis dit qu'à ce moment-là, il y allait avoir une attaque contre la politique de la collapsologie. Mais il me semble que pour ça, les Larrel essayent au moins de le faire. J'aurais bien aimé que tu vois que, plutôt que de dire, il faut être dans la décroissance, ce que tu travailles sur la mesure, je trouve ça passionnant dans le sens de la vie. Là, politiquement, c'est quoi le reproche qu'on fait à l'écologie politique de la collapsologie? Et au moins, les Larrel, peut-être qu'ils se boursent les trucs et tout, ils disent le problème, c'est qu'on s'intéresse qu'à ce qui se passe après l'effondrement. Donc les combats de maintenant politiques, on ne s'y intéresse pas. Et donc ça, c'est quand même un reproche qui est intéressant de la part des Larrel, même si on partage pas. Et après, peut-être que tout ça, ça vient aussi du fait que moi, je n'ai pas eu des bouquins de service, parce que quand tu m'entends en conférence, il dit pas ça. Il dit pas qu'il s'en fout des luttes actuelles, par exemple, etc. Donc ça me donne envie de le lire aussi, parce que voilà, mon problème, c'est que j'ai lu son bouquin, et j'ai peut-être pas assez de connaissances sur Servine pour savoir où ça en est. Franchement, j'étais très intéressé, et je pense que peut-être que Gabriel va faire le lien avec ça, qui est aussi. Voilà, en tout cas, ça m'a bien intéressé ce que tu disais aussi sur le lien entre les collapsologues et peut-être certaines solutions techniques. Parce que ça, c'est très problématique. Tu parlais de la tour, et ça, je ne savais pas. Et merci de nous donner ces pistes-là. Moi, j'ai une question à poser. T'as une idée que là, il y a des tours de parole. Voilà. Non, donc, c'est vrai que je prolongerai ma pièce. Moi, j'ai lu Servine, Stevens, Chapelle. Bon, on ne va pas. Et bon, dans l'annonce de cette intervention ce soir, tu disais bien qu'elle n'allait pas reprendre pied à pied. Et c'est peut-être pas plus mal, parce que si on reprend pied à pied, c'est vrai qu'ils proposent un autre modèle que le modèle Meadows. En fait, ce que je voudrais, ça me chagrine qu'il y ait cette malhonnêteté intellectuelle de reprendre ton travail sans le citer sur l'autophagie. Ça, c'est vrai que j'aime pas cette malhonnêteté intellectuelle, mais en même temps, je me dis. Bon, est-ce que ce qu'on leur reproche, c'est d'être aux éditions du Seuil et donc d'être très connus et de prendre toute la place? Ou est-ce que... et donc ils sont poussés par le Seuil, donc ça ressemblerait à un argument ad hominem, quoi. C'est-à-dire que après, quand on les lit, on peut quand même remarquer que on s'ennuie pas. Enfin, moi, quand je lis Larrère, je m'emmerde, mais vraiment. Donc quand on les lit, on ne s'ennuie pas. Ils ont des analogies, bon, elles valent ce qu'elles valent, mais c'est peut-être pas un hasard aussi si c'est devenu un best-seller. Donc peut-être qu'ils ont été les premiers surpris. Moi, je ne sais pas, hein, je ne les connais pas, mais je trouve que l'effort de se remettre à chaque fois en question, là, leur dernier livre, ils écrivent toujours avec d'autres, avec plusieurs... je trouve ça plutôt bien. Et puis bon, ils ne sont pas philosophes, c'est vrai, ils sont maladroits en philosophie, c'est vrai, mais ils n'arrêtent pas d'appeler à l'interdisciplinarité. En fait, moi, ce que je souhaiterais, c'était, j'aurais bien aimé entendre que tu bosses avec, enfin ça me semble pas exclusif. Il me semble qu'on a plus, on devrait bosser ensemble maintenant. On n'a plus tellement de temps de chipoter sur voilà. Mais même pour Larrère, hein. En plus, alors Larrère, là, moi, je suis en train de lire le pire n'est pas certain, mais on n'a pas lu le même Servigne, en fait. Ah, c'est triste à dire, mais... Mais eux, je pense que c'est difficile, effectivement. Enfin, je pense qu'ils sont... Bon, non. Ils le prennent ligne à ligne, c'est toujours cité exactement. Ah oui, non, mais... Non, mais ils n'ont pas lu, comme s'ils ne savaient pas qu'ils avaient écrit derrière un bouquin sur l'entraide, un bouquin pour les systèmes alimentaires résilients... En fait, c'est une lecture biaisée. Ils retiennent et enlèvent du contexte ce qui les sert pour eux. Tous les livres contre la collapso, ils se servent du non-collapso pour essayer, je vais être cynique, mais pour essayer de vendre. On s'accroche à, voilà, à ceux qui sont les plus connus, alors on critique la collapso en espérant que ce soit, que ça accroche, quoi. Je trouve ça un peu dommage parce que je trouve qu'on devrait plutôt essayer d'accentuer cette interdisciplinarité et de prendre ce qu'il peut y avoir d'intéressant. Par exemple, que en plus, quand on dit les collapsologues, c'est vrai que Cocher, c'est un peu, il est quand même un peu, enfin, on ne peut pas réduire tous les collapsologues à Cocher. Et Serving et Stevens, ils irriguent quand même toutes les luttes, Extinction, Rébellion et compagnie. Alors c'est vrai que c'est des gens quand même en majorité assez jeunes, et on sent qu'il n'y a pas de, peut-être de, oui, c'est une écologie mutilée, mais ils commencent, ça va venir peut-être. Ah, ça, alors je suis un peu gêné de parler de ça, mais vu que la question t'amène m'amène vers ça, je dois la vérifier. En fait, Pablo Servi m'a contacté directement en 2019, en janvier, pour faire exactement ce que tu dis. Il voulait que je bosse avec lui, que je fasse que je bosse sur Kropotkin pour lui. Il m'a présenté un plan média avec plusieurs ouvrages, des éditeurs déjà préparés, pour une fusée, donc en plusieurs étages. Donc, ils avaient déjà fait l'ouvrage 2019 sur l'effondrement, le constat, l'entraide qui permettait de passer un baume sur les douleurs que les chiffres faisaient naître. Et ensuite, le troisième livre, c'est Une autre fin du monde est possible. Donc là, c'est sur la voie intérieure. Ils voulaient travailler avec moi sur la voie politique, que je lui donne des billes pour travailler sur la voie politique. Bon, je ne l'avais pas encore lu à cette époque. Alors, je lui ai répondu en lui disant que, bon, j'essayais de... Peut-être, ça pouvait m'intéresser, mais qu'il fallait quand même que je voie un petit peu plus avant. Et puis, j'avais déjà entendu des choses et lu quand même des entretiens et que je n'étais pas très d'accord. Ensuite, je lui ai renvoyé une analyse de ce qu'il faisait et je lui ai dit, voilà, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il m'a dit, bon, alors, d'accord, alors peut-être qu'on ne va pas s'interconnecter tous les deux, parce que ça pourrait... il m'a dit, bon, si on ne prend pas de joie tous les deux à faire ça, ça pourrait être une aventure, tout ça. Et donc, je lui ai parlé de Kropotkin, il dit, bon, Kropotkin, vous en parlez, mais vous le dévitalisez pour telle ou telle raison. Bon, et là, je crois que c'était clair. C'est pour ça, en fait, que, d'une certaine manière, dans ce livre, je parle en connaissance de cause, je ne demande pas des choses... Il m'a dit, très clairement, vu où je suis obligé d'édulcorer le propos. Je ne peux pas parler d'un auteur, par exemple, anarchiste, comme Kropotkin, en parlant comme un anarchiste. Parce que sinon, je perds mon public. Et le but, c'est pas de parler de choses radicales, faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui adhèrent. On est là pour réunir, pour rassembler. On n'est pas là pour, cliver. Voilà. Et donc c'est ce qu'il m'a dit. Et moi, j'ai dit, mais moi, où je fais les choses en parlant des choses comme elles sont, en disant ce que les auteurs disent, mais j'édulcore pas mon propos, c'est tout le point. Pourtant, Kropotkin, même pour c'est passer, quand même assez fédérateur. Oui. Mais si tu lis... Il est pro-technique. Oui, mais si tu lis l'entraide, par exemple, c'est le premier chapitre est magnifique sur les animaux, il est très beau. Ensuite, il parle quand même de révolution, il parle de rébellion contre l'État. Mais pour un anarchiste, c'est relativement fédérateur. C'est vrai. Tu parlais des naturiens tout à l'heure, naturiens, c'est... C'est déjà parler de leur pratique, c'était il y a 120 ans maintenant, mais ça aurait pas le même effet alors. Mais bon, après, pour le final de l'histoire, je l'ai quand même appelé, parce qu'il m'avait dit, c'est son numéro pour l'appeler, je l'ai appelé, et j'ai juste un répondeur qui m'a dit, je ne peux plus parler, je reçois trop de messages. Contactez-moi par le mail. ce que j'ai refait, ce que j'ai fait, puis après il a fait le mort. Ensuite, je l'ai, on l'a retrouvé pour la participation à ce numéro de Revue Réfraction. Et donc, avec un des auteurs qui a coordonné le numéro, qui est un auteur espagnol, s'appelle José Abdilio, on a dit, bon, nous, on n'est pas trop favorable à ce que Pablo Servigne soit présent. On voudrait mieux lui donner, à la limite, un droit de réponse pour un numéro ultérieur. Comme il y a beaucoup de liens affectifs, je veux dire, avec d'autres membres de la revue, finalement, on a pris un article de lui. Mais son idée, et là, bon, je te rejoins, mais c'est une question de tempérament, si comment on s'y prend dans un travail intellectuel. Son idée, c'était que quand on fait ce genre de bouquin, par exemple, c'est juste du temps perdu. Ok, elle le tient. Ouais. Ah. C'est juste du temps perdu, ou même tout ça, en fait. sauf sur Kropotkin, parce que là, c'est un petit peu plus historique. Mais après, tout ce qui est critique vraiment radical, c'est du temps perdu, parce que c'est des querelles de chapelle, en fait. Et on vise la cohérence. Voilà, moi, c'est une vertu que je prie, c'est la cohérence. Quoi. Ouais. Mais eux, ils vont dire qu'on ne peut pas être cohérent dans un monde qui ne l'est pas. Mais est-ce que c'est pas parce qu'ils sont sincèrement pris par ce sentiment d'urgence? Ah oui, non, mais je veux bien. Je veux bien qu'ils soient pris par ce sentiment d'urgence. Mais moi, je ne me sens pas dans un sentiment de paix et de confort absolu, mais c'est simplement, c'est un parti pris. Je refuse d'édulcorer mon propos. Mais... Oui, je partage, je pense, la vision de l'écologie politique comme radicale et remettant en cause vraiment les origines des problématiques. Et par contre, je ne comprends pas quand vous dites que le point de vue, on va dire, intersectionnel, en fait, de prendre en compte l'histoire d'une Europe coloniale, serait problématique, en fait. Je ne vois pourquoi ça, ce serait quelque chose qui serait problématique. Et plutôt, moi, ma pensée est que ça renforce en fait l'écologie politique et que prendre justement un point de vue d'où on parle en fait et quelle est l'historicité aussi de la construction d'une pensée et avec maintenant un certain nombre de décennies d'études qui ont remis en question en fait ce point de vue situé effectivement de mâles blancs occidentaux sur une certaine partie de la pensée. Enfin, ça ne veut pas dire que tous les hommes blancs sont répréhensibles, mais qu'en tout cas il y a ce point de situé qui n'a pas été explicité et que en fait maintenant en parler et le prendre en compte c'est plutôt quelque chose qui enrichit l'écologie politique mais tout un autre champ aussi de la réflexion. Du coup je comprends pas trop en fait la critique qui est faite de ce point de vue là. Là c'est très simple, donc je veux bien, moi ça m'intéresse de savoir, de voir comment la traite négrière a été un élément éventuel d'emballement de logique capitaliste, mais l'universitaire que je vous ai cité, qui me parle de Taureau comme un homme blanc, classe aisée, etc., dans une société coloniale esclavagiste, je ne sais pas si vous m'avez bien entendu ce qu'a fait Taureau, là c'est juste une falsification historique ce qu'il fait. Pareil pour Rousseau. Donc je veux bien qu'on soit à la pointe de la déconstruction de tout. Mais le problème, c'est que là, on tombe purement et simplement, dans la falsification historique. C'est juste ça. Alors j'entends pour le texte de Madame Ferdinand, mais peut-être que au-delà de ce point-là, c'est pas le seul en fait à en parler, et que maintenant on a de plus en plus de recherches universitaires, notamment sur la jonction même historique entre le capitalisme, le patriarcat, la domination capitaliste, le colonialisme. C'est pareil, j'ai travaillé sur... Juste pour finir, en fait, ça permet pas d'évacuer en fait ce point de vue-là. Je trouve peut-être effectivement, comme président, c'est une approximation qui n'est pas juste, mais en dehors de cet auteur, en fait, il y a quand même une historicité qui est avérée. Une historicité qui est avérée, probablement. Est-ce qu'elle est valable dans tous les cas et c'est une vérité objective? Alors, par exemple, j'ai fait un travail assez approfondi sur un économiste russe début du XXe siècle qui s'appelait Alexander Tchayanov, qui a été exécuté par le NKVD stalinien à l'heure de la collectivisation des terres dans les années 20. Tchaïanov, c'est un théoricien de l'exploitation paysanne familiale. D'accord ? L'exploitation paysanne familiale avec une famille élargie, elle n'inclut pas le salarié. Donc elle vise en quelque sorte l'autoproduction. Elle est radicalement anticapitaliste, si vous prenez des termes. Seulement, elle est fondée sur la prééminence du père. Donc elle est patriarcale et anticapitaliste. Voilà. Un exemple. Pourquoi est-ce qu'il faudrait systématiquement faire émerger, comme ça, patriarcat égale capitalisme, égale colonisation, comme si c'était une sorte d'unité absolue dans tous les cas. Là, on ne fait plus d'histoire, en fait. On projette simplement une vision qui est en fait une vision idéologique, qui est liée, c'est ce que je détaille après dans le désert de la critique, qui est liée en fait à une prééminence universitaire, idéologique, simplement, et qui est liée aussi à des enjeux très concrets, matériels, d'occupation d'un champ de la connaissance, champ universitaire, et des enjeux financiers, d'obtention de crédits de recherche, choses comme ça, dans un monde savant. D'accord ? Parce que l'université, c'est ça le problème. C'est-à-dire que l'université, elle ne fonctionne pas en vase clos, elle fonctionne avec des répercussions dans le réel. J'apprécie, moi, certains de ses travaux, je les lis avec intérêt, mais là, par contre, c'est vrai que je ne peux pas en faire l'alpha et l'oméga de toute la pensée, simplement parce que, bon, déjà, il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas travaillé, comme Ferdinand parle des Caraïbes, j'écoute, je lis. Là, si on dit que le patriarcat est systématiquement capitaliste, là, Tchaïanov, j'ai travaillé suffisamment dessus, j'ai au moins un bon exemple d'une économie qui est complètement anticapitaliste et qui est patriarcale. Je vous invite aussi à vous renseigner, par exemple, sur l'état de la campagne briançonnaise au début du XXe siècle, où là, il n'y a pas une grosse pénétration des rapports capitalistes de production, mais à lire, par exemple, la vie d'une militante pacifiste, féministe, du Val de la Clarée, qui s'appelle Madame Carvey, Émilie Carvey, une soupe aux herbes sauvages, adaptée en feuilleton avec Annie Girardot. Vous allez vous rendre compte de ce que c'est que vivre dans un monde patriarcal, dans le Briançonnais, au début du XXe siècle, et vous allez vous rendre compte de l'immense prédation capitaliste dans le Briançonnais. Arrêtons un peu les falsifications, s'il vous plaît. Voilà, c'est juste ça. C'est pas mon propos, merde. Non, mais je sais, je vise vraiment, c'est pas faux. Il est de la technologie initiée, mais en fait, ça n'empêche pas de même se questionner de façon. Tout à fait, moi, je pense que l'honnêteté intellectuelle et la cohérence, parce que vraiment, c'est comment on peut déconstruire aussi des choses qui ont été. Ah oui, non, mais. Pas justifié, en fait. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs. Je vais intervenir avant, mais c'était juste pour un petit mot sur cette histoire de, en tant qu'identification. Il y a Skerak qui a théorisé des références, par exemple, sur le cas de. Qui est Spirac? Spirac, c'est quelqu'un qui a théorisé sur les subaltern studies, c'est là, qui est vraiment une des références principales par rapport Chakra à ça. Pardon? Son prénom, Chakravarti. C'est Gaïa, je crois que c'est Gaïa Spirac, je me sens le plus, mais je crois que j'écorche son nom. Je sais que c'est Spirac. Spivak. Hein? Gayatri Spivak. Gayatri Spivak, voilà, ça. Et qui à un moment donné est revenu sur, qui est revenu sur cette histoire de pensée située, en disant que c'était une forme de théorisme rhétorique, puisque c'était une pensée essentialiste. En tant que, par exemple, quand je dis en tant que mâle blanc, ça veut dire que tous les mâles blancs ont pensé comme moi. Ou en tant que femme lesbienne, par exemple, noire, ça veut dire que toutes les femmes lesbiennes noires ont pensé comme moi. Donc elle a dit, à un moment donné, il faut qu'on arrête de dire en tant que, parce que là, on fait parler les autres, qui ne sont pas là, on dit que nous, moi, je parle à la place, ça devient un nous. Donc il faut laisser ce nous de côté et dire je. Donc ça c'est par rapport à la pensée située. Je veux dire, c'est vrai que à un moment donné, ça peut paraître ça peut paraître quelque chose d'essentiel, mais à un moment donné, quand c'est poussé au point qu'à chaque fois il faut situer la pensée, qu'il faut toujours regarder la personne plutôt que le contenu, Là, il y a un problème. C'est un problème de mesure. Là, encore une fois, c'est un problème de mesure, parce qu'effectivement, tu en as parlé tout à l'heure, c'est bien, effectivement, s'interroger un mot sur les biais que peuvent introduire, je ne sais pas, l'hétérosexualité d'une personne, ou le fait qu'elle appartienne à une civilisation occidentale, etc. C'est bien de le mettre, mais il ne faut pas le réduire. La réduire cette personne-là à ça. Tu as parlé tout à l'heure de l'exemple de Taureau. Voilà, c'est typique. C'est quelqu'un, c'est un hétérosexuel blanc, américain. On pourrait penser que c'est un esclavagiste. Ce n'est pas un esclavagiste. Mais pareil, c'est pas quelqu'un, une orientation sexuelle ou une couleur de peau qui va déterminer une pensée unique. Et même en collant les uns après les autres et en faisant de l'intersection entre ces différentes choses, eh bien, on n'obtiendra pas non plus une pensée unique. Et c'est vrai qu'à un moment donné, la pensée magique qui consiste à accumuler les étiquettes positives et à les inverser, en disant par exemple, le dominant hétérosexuel blanc, on va mettre à la place. On va valoriser plutôt à la place une pensée cuir, lesbienne, racisée, etc., etc., et qu'on va obtenir quelque chose, c'est faux. Parce que dans la réalité, l'intersection se passe souvent entre des choses qui sont parfaitement... Toi, tu parlais tout à l'heure des collages qui ne sont pas forcément, comment dire, médiatisés, enfin, théorisés par les universitaires, à savoir qu'il peut y avoir une forme d'anticapitalisme patriarcal. Il peut aussi y avoir des formes de, comment dire, de capitalisme qui peut valoriser la diversité. Il peut y avoir des formes de penseurs de l'homosexualité qui veulent parfaitement être pro-capitalistes ou racistes, etc. Et dans l'histoire, enfin, dans l'histoire de la, par exemple, des courants de l'antiraciste américain, comme c'est un truc que j'étudie, que je connais un petit peu, par exemple, une des premières organisations qui a annoncé un petit peu l'intersectionnalité, qui s'appelait le Cambay River Collective, je crois, était une organisation qui mettait en avant ses oppositions par rapport aux féministes blanches, qui ne prenaient pas assez en compte la question de la couleur de peau, du racisme, mais aussi ses oppositions par rapport aux Black Panthers, qui était une organisation qui, pour le coup, était effectivement une organisation antiraciste, anticapitaliste, et parfaitement phallocrate, patriarcale. Et donc, du coup, elles se sont écartées de ça pour essayer d'avoir un espace à elles, où elles ne pouvaient, un espace à elles, donc, où elles ne posaient pas non plus, pour elles, c'était l'anticapitalisme était consubstantiellement lié dans leur combat à elles, à l'antiracisme, à l'antipatriarcat, mais elles ne faisaient pas une essence. Un peu comme... C'est-à-dire, c'est après, quand il y a eu la reconstruction universitaire, qu'il y a eu cette idée que forcément on serait dans le meilleur des mondes, une personne homosexuelle serait forcément meilleure qu'une personne hétérosexuelle, et forcément antiraciste ou des choses comme ça. Non, c'est du bricolage universitaire. À partir de luttes réelles valables et qui sont intéressantes, il y a une récupération universitaire de ces luttes pour essayer de se gaz. Et on est dans une pensée qui vient de nouveau essentialiste. Bon. On termine sur ce truc-là. Je voulais te dire par rapport à la collapsologie, la chose qui est nouvelle à mon avis par rapport à le choix des auteurs eux-mêmes, c'est Serline et tout ça qui le disent, c'est qu'avant, on était plutôt dans une rhétorique de l'urgence. Et qui est toujours d'ailleurs, c'est toujours le cas. Il y a deux formes aujourd'hui qui sont dominantes dans l'écologie, médiatique, on va dire. C'est bon, la collapsologie qui a émergé, et surtout le courant Greta Thunberg. Le courant, je crois que c'est son organisation, enfin, l'organisation avec laquelle elle travaille, c'est Times Up, je crois, un truc comme ça. Il est temps, il y a l'urgence, c'est la rhétorique de l'urgence. En gros, on commence par balancer des chiffres d'une menace qui va exploser. Si aujourd'hui nous ne faisons rien, si nous ne changeons pas nos habitudes, eh bien, demain, dans 40 ans, dans 50 ans, il sera trop tard. Et cette rhétorique de l'urgence, ça fait très longtemps cette rhétorique de l'urgence, d'ailleurs, qui n'est pas propre au mouvement écologiste, c'est propre à une certaine forme de technocratie et de classe politique qui le valorisait, qui lui donnait un rôle par rapport à ça, en disant, en gros, voici le problème, j'ai les solutions. Par rapport au racisme, justement, moi, j'étudiais un petit peu l'émergence du racisme, l'explosion du racisme qui a pu y avoir à la fin des années 60, avec le discours dit des fleuves de sang d'Enoch Powell, qui était en gros la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'en Grande-Bretagne, il y avait un discours ouvertement raciste qui était tenu par le principal dirigeant du Parti conservateur. Il commence son discours par dire aujourd'hui, il entre en Grande-Bretagne 10 000 personnes originaires d'Afrique noire ou de Jamaïque. Demain, ce sera 20 000. Demain, ce sera 20 000. Aujourd'hui, nous ne faisons rien. Demain, il sera trop tard. Et là, c'est une rhétorique raciste appuyée sur une urgence. Et là, c'est pareil, c'est pour faire émerger, en gros, une classe politique et la valoriser. Et c'est pareil pour Greta Thunberg et ce qu'on appelle le greenwashing, etc., etc. Donc finalement, est-ce que ça ne serait pas, et je vais finir là-dessus, il n'y aurait pas aussi peut-être une homologie, enfin, un rapport de classe, finalement, entre les gens qui étaient dans la... c'est beaucoup des ingénieurs qui sont dans la collapsologie. C'était un peu le point commun, finalement, avec l'autre courant, celui notamment de halte à la croissance, etc., etc. C'est une pensée qui est beaucoup basée sur le fétichisme des chiffres, sur une démonstration, on va vous démontrer quelque chose, finalement, une attaque contre la société industrielle, mais d'un point de vue qui est profondément marqué par cette pensée, et qui est profondément, là aussi, une pensée d'expert. Et finalement, est-ce que ce n'est pas deux formes d'expertise concurrentes l'une avec l'autre, qui occupent le droit de la scène et qui évacue la véritable lutte, justement, qui pourrait émerger. Oui, je pense que c'est une question. En fait, je suis complètement néophyte sur ce sujet. Et donc, je suis venue pour m'informer. La psychologie, d'accord, il y a un constat dans l'effondrement de l'Ola. Tu as listé certaines propositions, mais à mon avis, c'est du vent. Et est-ce qu'il y a des gens qui pensent qu'une autre économie actuellement en cas d'effondrement, c'est-à-dire par rapport justement aux idées anarchistes d'une organisation économique autre, est-ce qu'il y a des penseurs de ce type-là qui existent? Voilà, ma question. De ce type-là, qui penserait une autre économie? Une autre économie, donc s'il y a un effondrement du capitalisme, s'il y a un effondrement de l'État, d'après ce que j'ai entendu, donc réduction de l'État aux fonctions régaliennes, d'après ce que je peux comprendre, quoi, si on dit que tout ce qui est... Pour moi, l'État, c'est les fonctions régaliennes. Après, tout le reste, ça a été construit au fil du temps. Mais voilà, donc je voudrais savoir s'il y a des gens, à partir des principes anarchistes, quoi, du fédéralisme ou de... je sais pas... pense un autre type d'économie, parce que pour moi, l'économie, c'est quand même très, très important, parce qu'on peut dire on s'effondre, le capital, ça fait référence à une économie, il me semble. Donc voilà, c'est pour ça que je pose ça sur le plan économique, qu'est-ce que ça veut dire, la collapsologie, un effondrement, qu'est-ce qu'il y a après, quelles sont les propositions concrètes sur le plan économique? Alors, on ne peut pas les faire nous-mêmes, les propositions économiques, on est obligé de s'en remettre encore. Non, mais écoute-moi, il y a des gens qui... Franchement, je les connais, je pose une question, savoir s'il y a des gens qui pensent à ça en ce moment. Ma manière, quoi. Mais je pense qu'effectivement... bien sûr, si on... Mais je sais très bien ce que c'est une organisation fédéraliste. Je sais très bien comment on peut l'organiser, mais je voudrais savoir s'il y a des gens qui pensent dessus en ce moment. Je pense que nous en avons un petit peu, mais c'est tout ce qui relève des anciens SEL, SEL, système d'échange locaux. Oui, c'est même l'économie solidaire, je pense que. C'est pour ça qu'il y a des choses déjà en train, qu'ils estiment qu'elles sont qu'ils disent robustes, quoi. C'est-à-dire qu'elles passeront le cap et elles se développeront. Et on peut penser que ce qui s'est développé, c'est pour ça aussi effectivement qu'il y a un rapport avec ce qui s'est passé pendant l'année dernière, quoi. On peut penser que les sortes de systèmes de débrouille, type de maraude, etc., seraient des éléments sur lesquels ils s'appuieraient. Après, je parle vraiment de choses pratiques. Après, des penseurs de l'économie. Parce que bon, je sais pas. Au point de vue mondial. Ben, leur idée, c'est que la finance, de toute façon, est un système qui va s'effondrer. Ça fait partie des... Bon, il est déjà en train de s'effondrer. Voilà. Mais ce que je pense, je ne sais pas, c'est peut-être une vision un peu étrange, mais bon, ça peut aller jusqu'à des catastrophes climatiques et tout ça. Mais en fait, dire, les êtres humains ne vont pas disparaître comme ça du jour au lendemain. Il y aura toujours des poches comme ça de gens qui vont se réorganiser pour pouvoir vivre tout simplement. Et comme on le voit déjà dans notre société, justement quand tu parles des maraudes, mais ça c'est de la survie, c'est de l'économie de survie. Et oui, mais c'est... là dans ce cadre-là, ça part de là, tout part de là. Mais après aussi, peut-être que penser des choses à l'échelle mondiale, c'est peut-être ça une partie du problème. Recréer. Ce si, sera des poches qui vont penser pour elles-mêmes. Ben c'est ça, mais c'est, si, si il faut repenser et refaire des institutions qui concentrent du pouvoir à un niveau mondial, enfin, je ne sais pas s'il peut y avoir une perspective anarchiste qui concentre autant de pouvoir et qui reste anarchiste très longtemps. Je ne parle absolument pas de ça. Quand je parle de poches, ça veut dire des poches d'êtres humains, d'endroits géographiquement, des territoires où il y aura des gens qui vont se retrouver dans la merde et qui vont se réorganiser parce que c'est la vie, quoi. Cette réorganisation-là, si elle est idéologique et théorique et tout ça, mais c'est la survie, tu la bricoleras quand tu seras dans cette situation. Enfin, on la bricole déjà. Bah, c'est ça. Je veux dire, tu vas dans Marseille. Non, mais je crois que déjà les gens vivent des choses différentes. Tout dépend de son regard. Parce qu'il y a des peuples qui font l'économie solidaire et qui passent à côté de l'État, de les économies. Mais je crois que déjà le on les passe. Oui, c'est ça. Oui. C'est Chiapas, Michoacán, il y a beaucoup d'États, il y a beaucoup de peuples. Ça veut dire que déjà on les fait. Mais le problème, c'est que toujours on reste à la tête. Ça veut dire à notre réalité. Mais je ne sais pas comment dire la vie ici en France, mais au Mexique, on le fait tous les jours. On le fait depuis longtemps. Et je crois que bon, ça, le fait en notre côté du monde, ça veut dire d'autres pays, pas que seulement le Mexique ou l'Éthiopie ou quelque chose. Non? Mais oui. Oui, mais c'est pour ça que je dis que c'est vrai que tout s'effondre, mais tout dépend de notre manière d'être et de vivre. Le Mexique, bien l'intérieur, il y a des produits phytosanitaires de Monsanto, c'est pas quand même négligeable. Il peut y avoir des choses aussi au plan des États qui se produisent et qui sont très intéressantes. Oui, mais déjà, on les fait. Il faut les faire. Pas attendre. Mais c'est la vie qui fait que. Oui, c'est pour ça que. Après, on peut aussi accélérer. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'en fait, on parle d'effondrement. On est actuellement dans une situation où on nous muselle complètement. Et je ne vois rien venir pour s'opposer à ces dictats, ces contraintes dans lesquelles on est obligé de bouger. Notre marge de manœuvre est de plus en plus faible. Et on me parle d'effondrement, je pense qu'il est déjà là, et que pour l'instant, je ne vois pas de réaction. Je ne vois pas de réaction, c'est-à-dire que demain, on a peut-être le couvre-feu à 18h, qu'est-ce qu'on fait? On va pas des réactions. Ça y est, c'est confirmé. Donc est-ce que demain, à 18h, on va dans la rue tous ensemble, ou est-ce qu'on reste chez soi jusqu'à parce qu'on nous a dit de rester chez nous? Là, on pourra avoir une action collective de refus de ce qu'on veut nous imposer. On verra. Si je parle en nom personnel, c'est très accessoire. Cette moi, ce n'est pas accessoire. Moi, ce que je vois, c'est la survie, la survie des gens qui ont envie de crever la vache. C'est un mensonge complet. C'est un mensonge complet. Mais oui, non, mais je suis d'accord. Parce que elle s'accroche et garde et tente par tous les moyens de garder ce que je ne pense plus depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et en fait, ce que j'arrive pas, le chaînon manquant, en fait, j'arrive pas à voir quand j'entends parler de financer fonds ou quelque chose comme ça. Moi, je ne le vis pas au quotidien, dans ma vie au quotidien. Moi, je vois simplement une réduction, comme dit madame, de nos libertés, avec un pouvoir qui s'approche, qui sent bien que la situation se tend, qui sent bien que la situation lui file quelque part un peu entre les doigts, mais on n'a pas de solution derrière. Je ne vois pas la finance, moi, qui est en train de... Je ne vois pas les bourses mondiales s'effondrer. Je ne vois pas les profits des grandes entreprises baisser. Je ne vois pas les bonus et les dividendes s'arrêter, baisser d'un coup, ce qu'on fait. pour faire plus longtemps, c'est qu'on fait des plans de sauvegarde d'entreprise, des plans de licenciement, mais les gens qui sont derrière, qui décident dans les bureaux, dans les tours, eux, leur pouvoir, leur argent, leur capital, ça vous a bien utilisé tout à l'heure, pour eux, ça ne change rien. Ils ont toujours une vie très luxueuse. Quand on nous parle de pollution, ce sont des gens qui prennent des jets privés à longueur d'année pour aller dans les grandes îles. Pour eux, on a l'impression quand même d'une élite intouchable. Faut s'en servir du terme, hein, dans l'autre sens. Des gens qu'on ne peut pas atteindre. Et donc, j'ai du mal à voir comment, dans cette hypothèse de collapsologie ou d'effondrement total, j'ai du mal à imaginer, j'aimerais avoir votre point de vue, hein, je ne poserai pas la question, j'ai du mal à imaginer comment cette finance, comment cette élite, ce pouvoir global, va arriver à se déliter comme ça par une pandémie ou par je ne sais pas quelle catastrophe. J'ai du mal à concevoir intellectuellement ce qui pourrait les atteindre au point de faire s'effondrer l'ensemble du système. Je réponds, tu veux... C'est pour aller dans ce sens-là, mais je veux répondre quand tu veux, mais si tu préfères répondre... Non, je pense que après, on va reprendre, s'il vous plaît. Ça, c'est basique, hein, tant qu'on peut... Non, parce que c'est soulevé, tout à l'heure, je pense qu'il y a une précision, une grosse question. L'un de leurs... Alors, ça aussi, ça vient des lectures, leur rendre justice aussi. Aucun n'a dit que l'effondrement, c'est quelque chose qui va se passer brutalement et d'une manière vraiment monolithique. Leur idée consiste à dire qu'il y a des pans qui, petit à petit, se délitent à différents endroits du monde, et que tout ça ressemble, comme j'ai dit, à une sorte de jeu de domino, et le délitement en un point du monde par l'effet papillon. Ça va se déliter globalement. Sur la question des inégalités, c'est... Si je prends aux origines de la catastrophe, leur dernier livre paru, le fait qu'il y ait des inégalités aussi abyssales aujourd'hui est un symptôme d'effondrement. Oui, c'est pas le simple fait qu'il y en ait montre que la situation est une situation d'effondrement. Bon, ce serait leur manière de répondre. Et ensuite, par contre, là, ça m'intéresse dans votre propos parce que ça, c'est quelque chose avec quoi j'ai du mal à me débrouiller. Dans le livre, et on me fait des petites critiques là-dessus. C'est pas lu le livre. Hein. Non, mais c'est cette coupure entre, disons, les élites ou les riches, ou les très très riches, et les très très pauvres, ça nous oblige à réintroduire le point de vue de classe. D'accord ? Et donc, dans le livre, il y a quelques mentions des Gilets jaunes, auxquels moi j'étais. Peux participer au manif du samedi, j'étais... J'étais assez enthousiaste. Et bon, ça pose la question qui est peut-être éliminée quand on parle d'effondrement comme ils le font, c'est l'idée que est-ce que ce point de vue classique y est encore, ou est-ce qu'en fait tous, d'une certaine manière, on est non seulement des rouages dans la machine, mais en plus, on a participé, quoi qu'il arrive, chacun à notre échelle, par notre mode de consommation, à la catastrophe globale. C'est ce qu'il y a derrière le concept. Alors après, il y a des jeux de... Justement, là, on reprend un peu la discussion tout à l'heure. Maintenant, il y a des jeux universitaires, qui sont des joutes universitaires pour savoir quel est le concept le plus approprié. Donc là, le concept global, c'est au niveau géologique, les activités de l'être humain, notamment les activités industrielles, produisent un dérèglement global, anthropocène. Certains disent, oh non, justement, il faut insister sur ce que vous dites, et on fait capitalocène. Mais, par exemple, les tenants du décolonial, eux, ils proposent autre chose. Ils proposent négrocène, par exemple. Plantationcène. C'est-à-dire que l'institution fondamentale, c'est la plantation, c'est pas le capitalisme simplement comme ça. Bon, là, je suis incapable de... c'est délicat. J'arrive pas à le débrouiller encore... Quand on me dit, ouais, mais tu es encore marxiste, on dirait un marxiste encore, tu dis qu'il y a un point de vue de classe, bon, je pense qu'il ne faut pas l'abandonner, le point de vue de classe. Et la pensée anarchique ne vous donne pas des clés ? Il y a des clés. La pensée anarchique, elle va, en général, elle va remettre en... C'est pour ça que je vais dans ce sens-là. Il faut quand même garder en tête le point de vue de classe. Quoi. D'accord. Je ne sais pas. Mais pas. Et moi, ce qui est quand même intéressant dans votre remarque, c'est que on a l'impression que l'effondrement, ça va être aussi un effondrement possible, soit du radical, des puissances financières, etc. C'est l'effondrement de toutes les idées qu'on a contre les puissances financières. Et moi, ce qui me semble parfois dangereux, et je crois que ça renvoie aussi l'intervention sur le danger d'un discours d'urgence, c'est que ça nous prive de toutes nos boussoles. En disant, comme tout va changer, eh bien, il faut que vous acceptiez que vous n'ayez plus aucune grille d'analyse. Et ça, je trouve que c'est potentiellement dangereux, ça. J'ai une sorte d'intuition, ça, en disant, mais finalement, comme on ne sait pas ce que ça va devenir, pensons que quand tout ira mal, ce sera mieux. Quand tout ira mal, finalement, on pourra mieux s'entendre, comme si ça allait disparaître, ces puissances financières-là. Et je trouve, j'apprécie beaucoup le bouquin de Michael Kessel qui s'appelle Après la fin du monde, parce qu'il retrace finalement, il fait une sorte d'histoire de tous les discours qui se sont toujours appropriés le thème de la fin du monde. Et il montre comment il y a un enjeu politique dans l'appropriation du discours sur la fin. Et il faut faire attention, parce que finalement, autant du côté de l'apocalypse que du côté d'une collapsologie, si on n'a plus la parole, si c'est plus nous qui décidons de ce qu'on fera demain, mais c'est quelques techniciens, etc., ça pose problème aussi. Et je trouve que dans cette filiation-là, il y a de quoi travailler. Les larrières le font, par contre, hein, le fait de dire que même sur les chiffres, il peut y avoir des conflits d'experts dans l'approche des chiffres, des chiffres, en disant que le problème aussi, c'est la façon de compter globale, puisque la collapsologie porte sur un dérèglement global. Et que finalement, on revient sur le concept global de anthropocène ou capitalocène. On revient aussi sur le fait qu'est-ce qu'il faut lire l'écologie à un niveau global ou à un niveau local aussi. On sait à quel point c'est dangereux, comment le capitalisme a pu se servir d'une vision globale de la gestion de la nature avec des services écosystémiques, alors qu'on sait qu'on ne peut pas compenser une plaine dans la croix avec dans la forêt amazonienne. Et ça, c'est intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas peut-être un effondrement mondial, mais c'est chercher d'autres approches, même des chiffres qui peuvent nous en capaciter encore différemment. Enfin, ce sont des pistes. J'ai cette intuition-là que la perte des boussoles est un danger. Et ta réflexion sur la mesure, elle m'intéresse en ce sens-là aussi. Oui, juste, mais ça paraît du folklore un peu, mais vous devez le savoir, quoi. Ces plus riches qui vont chercher qui vont se carapater en Nouvelle-Zélande dans des bunkers, qui se font déjà ou même aux États-Unis, quoi. Ils sont survivalistes, mais pas au sens de sauvage, mais des survivalistes high-tech. Sur un coup comme ça. Donc c'est toujours les riches qui ont écouté ça. Bah, si on verse dans le désespoir, et si on verse dans l'anecdote aussi, à ce moment-là, il faut citer ceux qui font des courses dans le désert pour polluer le plus possible un monde déjà pollué. Ah oui. Donc la série, et ce ne sont pas les plus riches de ce monde qui ont ce type de pratique. Donc il y a un effet effectivement de désespoir qui n'est pas négligé ou à négliger, non? Mais moi je ne suis pas du tout pessimiste. Mais les êtres humains ont des capacités d'organisation et d'auto-organisation qui sont énormes. Parce qu'à partir du moment où tu dois vivre tous les jours, tu t'organises sur ton territoire, quoi. Je pense que ça se fait déjà et que pour moi c'est ça l'avenir de la survie de l'humanité, quoi. Parce que c'est de ça dont on parle aussi. C'est de la survie de l'humanité, et je pense que les êtres humains, ils ont des capacités d'auto-organisation en dehors de l'État et en dehors de tout ça, quoi. Bon, maintenant, peut-être que c'est une idée un peu bizarre, mais je le vois déjà. Quand tu parles des gilets jaunes, quand tu vas pour voir comment les gens ils s'auto-organisent, ne serait-ce que sur la ville de Marseille, il y a des choses qui se passent, quoi. Alors, par contre, bon, c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, là, les classes qui sont dans ce capitalisme financier, c'est quoi? Je veux dire, c'est des chiffres, c'est des comptabilités virtuelles. Et tu caches, en fait, j'ai lu un article là sur Elon Musk qui, en fait, vit à crédit Il a même pas, je veux dire, il a vendu quelques trucs immobiliers, mais il n'a pas de cash dans la poche. Non, mais c'est ça aussi, cette économie. Et c'est, bon, moi, je ne connais pas grand chose, mais quand je lis des trucs comme ça, je vais te prendre. Merci. Est-ce que vous là, on peut continuer autour d'un verre de vin, si on a droit à ça. Il n'y aura pas de